Maxi Sud. Alors oui, donc Jérôme Gamel, agriculteur à Castanet, sur le Ségala, producteur bovin viande de 90 vaches et limousines. Un petit mot par rapport à votre travail en tant qu'agriculteur du côté de Castanet. Ah ben moi, enfin, au quotidien, du coup, on s'occupe des animaux, évidemment. Matin, soir, dimanche, semaine, les terres à travailler, les herbes à faucher. Enfin, voilà, c'est notre quotidien toute l'année, c'est ça, quoi. Dimanche et semaine. Et aujourd'hui, vous êtes présent, comme depuis quelques jours, au QG de Baraqueville et le blocage ici. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc, nous, on est mobilisés parce qu'on craint beaucoup pour nos vaches. Une maladie aujourd'hui qui est arrivée. Bon, que nous on comprend et qu'on n'a pas peur. Nous aujourd'hui, ce qu'on a peur, c'est ceux de l'État français qui gèrent ça de manière un peu aléatoire et qui met clairement nos troupeaux en danger. Donc vous allez tenir jusqu'au bout et ne rien lâcher. Aujourd'hui, le mot d'ordre, on a fait voter à l'Assemblée Générale, vu la réunion avec M. Lecornu, qui n'a rien donné. On a fait voter à l'Assemblée Générale la suite du mouvement ou pas. Elle a été votée à une large majorité. Donc on continue, nous on est quand même décidés, on est motivés et pour rester dans la durée. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas entendu? Pourquoi? Eh bien vous allez peut-être me répondre parce que je ne le sais pas. Pourquoi on n'est pas entendu? On a Bruxelles, on a. Si j'ai bien compris, hein, alors ils nous expliquent qu'il y a l'Europe, qu'il y a des scientifiques, qu'il y a. Nous notre métier c'est d'élever des vaches. Nous on sait quand elles sont malades, quand elles sont en bonne santé. Et aujourd'hui l'État français vient chez nous en disant on va vous tuer des vaches qui sont malades, ok, mais pas des vaches qui sont en bonne santé. Donc nous aujourd'hui on est contre ça. L'abattage total c'est pas possible. Nous on veut bien faire des efforts et essayer de limiter la maladie en faisant ce qu'il y a à faire, du vaccin, tout ce qui est à nos pouvoirs, mais nous on veut garder nos troupeaux. Donc la mobilisation se poursuit? La mobilisation se poursuit, oui. Ben, vous voyez bien ce soir, il y a énormément de monde. On a organisé un petit marché gourmand, il y a un peu de musique. Il y a des gens qui viennent, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Je pense que l'opinion publique est avec nous. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, en fait, des gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Donc on communique, on explique. Les gens, ils se renseignent, quoi. Ils sont curieux. Ouais. Et puis un côté très humain, puisque vous avez fait une édonnaire à Baraqueville également, pour remercier la population et les gens, c'est ça? Oui, alors on a fait ça, hier, avant-hier. Nous on bloque des routes, parce qu'aujourd'hui, pour être entendu, pour être écouté par un gouvernement, aujourd'hui la seule solution c'est de bloquer une route et de dormir sous un pont. Ça c'est pas grave, on y arrive, on sait faire. On n'a pas besoin de l'hôtel 3 étoiles et on est déterminés. Optimiste, pessimiste? On ne sait pas. Moi, je suis quand même optimiste. On sait très bien que peut-être il faudra faire quelques concessions, mais il faut que l'État absolument, l'État français nous entende et que demain, il faut qu'on soit autour d'une table de négociation. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. On a fait des réunions, rencontré des préfets, tout ce qui était à nos pouvoirs. Et aujourd'hui, on est dans une impasse qu'on n'est pas écouté. On n'est pas écouté, alors en plus, pas entendu, quoi. Ben nous, pour vous donner un symbole, aujourd'hui, on a fait le sapin de Noël. Et je pense que ça veut tout dire. Hein. On est dans l'attente, mais ça fait longtemps qu'on est dans l'attente et on ne comprend pas pourquoi on ne nous répond pas. Voilà, mais on peut dire, c'est vrai qu'on en parle aujourd'hui, c'est joyeux, mais c'est vrai que l'agriculture est vraiment à un tournant de son histoire aujourd'hui, il faut le dire. Ah ben, dans notre région, l'élevage c'est tout, hein. Il y a très peu de cultures. Tout est basé sur l'élevage, que ce soit du bovin, enfin, il y a de tout. Hein. Le bovin ici c'est énorme, hein. il y a des vaches partout. Nous, on ne comprend pas un protocole comme ça, on ne comprend pas. Ça arrive ça dans nos régions, ce sera dévasté. Les gens ne s'en relèveront pas. Il va y avoir des drames, c'est pas vivable, quoi. C'est pas possible.